Adieu, mon ami aimé. La malle est fermée. Mon joli sac en peau de truie, mon costume de voyage, le long voile qui drapera mon chapeau attendent mon réveil de demain, aligné, triste et sage sur notre grand divan. Déjà parti, à l'abri de vous, à l'abri de ma propre faiblesse, je me donne la joie de vous écrire ma première lettre d'amour. Vous recevrez ce bleu demain matin, à l'heure justement où je quitterai Paris. Ce n'est rien qu'un au revoir, écrit avant de dormir, pour vous faire savoir que je vous aime tant, que je tiens tant à vous. Je suis désolée de vous quitter. N'oubliez pas que vous m'avez promis de m'écrire tout le temps et de consoler Fossette. Je vous promets, moi, de vous rapporter une Renée lasse de tourner, maigrée de solitude et libre de tout, sauf de vous, votre Renée. L'ombre rapide d'un pont passe sur mes paupières que je tenais fermées et que je rouvre pour voir fuir, à la gauche du train, ce petit champ de pommes de terre que je connais si bien, blotti contre la haute muraille des fortifications. Je suis seule dans le wagon. Brague, sévèrement économe, voyage en seconde avec le vieux troglodyte. Un jour pluvieux, faible comme une aube grise, pèse sur la campagne où la fumée des usines se traîne. Il est 8 heures et c'est la première matinée de mon voyage. Après un court abattement qui suivit l'agitation du départ, j'étais tombée dans une immobilité maussade qui me faisait espérer le sommeil. Je me dresse pour procéder machinalement à des apprêts de vieille routière. Je déploie le plaid en poil de chameau. Je gonfle les 2 coussins de caoutchouc houssés de soie, un pour les reins, un pour la nuque, et je cache mes cheveux nus sous un voile mordoré comme eux. Je fais cela méthodiquement, soigneusement, tandis qu'une colère indicible et soudaine rend mes mains tremblantes, une véritable fureur, oui, et contre moi-même. Je pars, chaque tour de roue m'éloigne de Paris. Je pars, un printemps glacé perle en dur bourgeon à la pointe des chênes. Tout est froid, humide, d'un brouillard qui sent encore l'hiver. Je pars, quand je pourrais, à cette heure, m'épanouir de plaisir contre le flanc chaud d'un amant. Il me semble que ma colère creuse en moi un appétit dévorant de tout ce qui est bon, luxueux, facile, égoïste. Un besoin de me laisser rouler sur la pente la plus moelleuse, de refermer les bras et les lèvres sur un bonheur tardif, tangible, ordinaire et délicieux. Tous mes fastidieux de cette banlieue connue, de ces villas blafardes où bâillent des bourgeois en camisole qui se lèvent tard pour raccourcir les journées vides. J'aurais dû ne pas quitter Brague, demeurer avec lui sur le capiton bleu sale des compartiments de seconde classe, parmi le bavardage cordial, l'odeur humaine du wagon plein, la fumée des cigarettes à 10 sous le paquet. Le tatatam du train, que j'entends malgré moi, sert d'accompagnement au motif de danse de la dryade, que je chantonne avec une obstination maniaque. Combien de temps va durer cet état d'amoindrissement ? Car je me sens diminuée, affaiblie comme saignée. Pendant mes plus tristes jours, la vue d'un paysage médiocre, pourvu qu'il s'enfuit rapide à ma droite et à ma gauche, pourvu qu'il se voilât par moments d'une fumée déroulée, cardée aux haies d'épines, agissait pourtant sur moi à la façon d'un tonique guérisseur. J'ai froid, un mauvais sommeil du matin m'engourdit, et je crois plutôt m'évanouir que m'endormir, agité de rêves arithmétiques, enfantins, où revient cette question lassante. Si tu as laissé là-bas la moitié de toi-même, c'est donc que tu as perdu 50% de ta valeur primitive ? Dijon, le 3 avril. Oui, oui, je me porte bien. Oui, j'ai trouvé votre lettre. Oui, j'ai du succès. Oh, mon chéri, sachez toute la vérité. J'ai sombré, en vous quittant, dans le plus absurde, le plus impatient désespoir. Pourquoi suis-je partie? Pourquoi vous ai-je quitté? 40 jours, jamais je ne pourrais supporter cela, maintenant. et je n'en suis qu'à la troisième ville. À la troisième ville, en or, en argent, son amant l'habille. Hélas, mon amant, je n'ai besoin ni d'argent ni d'or, mais seulement de vous. Il a plu sur mes deux premières stations pour que je savoure mieux mon abominable abandon entre des murs d'hôtels tendus de chocolat et de beige dans ces salles à manger en faux chêne que le gaz fait plus sombre. Vous ignorez l'inconfort, fils gâté de Madame Coupe toujours. Quand nous nous retrouverons, je vous raconterai, pour vous indigner et me faire chérir davantage, les retours à minuit vers l'hôtel, la boîte à maquillage qui pèse au bras, là, la tente sous le brouillard fin, contre la porte, pendant que le garçon de nuit s'éveille lentement, la chambre affreuse aux draps mal séchés, l'exigu pot d'eau chaude qui a eu le temps de refroidir. Et je vous ferai partager ces joies quotidiennes ? Non, mon chéri, laissez-moi user ma résistance avant de vous crier « Viens, je n'en peux plus ». Il fait beau sur Dijon, d'ailleurs, et j'accueille timidement ce soleil comme un cadeau qu'on va me reprendre tout de suite. Vous m'avez promis de consoler Fossette. Elle est à vous autant qu'à moi. Faites attention qu'elle ne vous pardonnerait pas, en mon absence, une exagération de prévenance. Son tact de chienne-bulle va jusqu'à la plus délicate austérité sentimentale et s'offense, quand je la délaisse, qu'un tiers affectueux s'aperçoive de son chagrin, fût-ce pour l'en distraire. Adieu, adieu. Je vous embrasse et je vous aime. Quel froid crépuscule, si vous saviez. Le ciel est vert et pur comme en janvier, lorsqu'il gèle très fort. Écrivez-moi, aimez-moi. Réchauffez votre René. 10 avril. Ma dernière lettre a dû vous faire de la peine. Je ne suis pas contente de moi, ni de vous. Votre belle écriture est grasse et ronde, et pourtant est élancée, élégante et frisée, comme cette plante qu'on nomme chez nous l'osier fleuri. Elle remplit 4 pages, 8 pages de quelques « je t'adore », de malédictions amoureuses, de grands regrets tout brûlants. Cela se lit en 20 secondes. Et je suis sûre que, de bonne foi, vous croyez m'avoir écrit une longue lettre. Et puis, vous n'y parlez que de moi. Mon chéri, je viens de traverser, sans m'y arrêter, un pays qui est le mien, celui de mon enfance. Il m'a semblé qu'une longue caresse me couvrait le cœur. Un jour, promets-le-moi, nous y viendrons ensemble. Qu'est-ce que j'écris là? Nous n'y viendrons pas. Vos forêts d'Ardennes humilieraient, dans votre souvenir, mes taillis de chênes, de ronces, d'alisiers, et vous ne verriez pas comme moi trembler au-dessus d'eux, ni sur l'eau ténébreuse des sources, ni sur la colline bleue que la haute fleur du chardon décore, le mince arc-en-ciel qui sertit, magiquement, toute chose de mon pays natal. Rien n'y a changé. Quelques toits neufs, d'un rouge frais, c'est tout. Rien n'a changé dans mon pays, que moi. Oh, mon amie chérie, que je suis vieille. Pouvez-vous bien aimer une aussi vieille jeune femme? Je rougis de moi, ici. Que n'avez-vous connu la longue enfant qui traînait ici ses royales tresses et sa silencieuse humeur de nymphe des bois? Tout cela que je fus, je l'ai donné à un autre. Un autre que vous. Pardonnez-moi ce cri, Max. C'est celui de mon tourment, celui que je retiens depuis que je vous aime. Et qu'aimez-vous en moi, maintenant qu'il est trop tard, sinon ce qui me change, ce qui vous ment, sinon mes boucles foisonnant comme un feuillage, sinon mes yeux que le col bleu allonge et noie, sinon la fausse matité d'un teint poudré. Que diriez-vous si je reparaissais, si je comparaissais devant vous, coiffée de mes lourds cheveux plats, avec mes cils blonds lavés de leur mascaro, avec les yeux, enfin, que ma mère m'a faits, sommés d'un bref sourcil prompt à se froncer, gris, étroits, horizontaux, au fond desquels brille un dur et rapide regard où je retrouve celui de mon père. N'ayez pas peur, mon ami chéri. Je vous reviendrai telle, à peu près que je partis, un peu plus lasse, un peu plus tendre. Mon pays m'enchante d'une ivresse triste et passagère, chaque fois que je le frôle, mais je n'oserais pas m'y arrêter. Peut-être n'est-il beau que parce que je l'ai perdu. Adieu, cher, cher Max. Il nous faut partir très tôt, demain, pour Lyon, sans quoi nous n'aurions pas notre répétition d'orchestre à laquelle je veille, tandis que Brague, jamais fatigué, s'occupe des programmes, des cadres d'affiches, de la vente de nos cartes postales. Ah, que j'ai eu froid encore hier soir, sous ce léger costume de l'emprise. C'est mon ennemi, le froid. Il suspend ma vie et ma pensée. Vous le savez, vous, aux mains de qui se réfugient mes mains, recroquevillées comme deux feuilles sous la gelée. Tu me manques, ma chère chaleur, autant que le soleil. Ta Renée. Nous tournons. Je mange, je dors, je marche, je mime et je danse. Point d'entrain, mais point d'effort. Un seul instant de fièvre dans toute la journée, celui où je demande chez la concierge du music hall s'il y a du courrier pour moi. Je lis mes lettres en affamée, à côté au chambranle graisseux de l'entrée des artistes, dans le fétide courant d'air qui sent la cave et l'ammoniaque. L'heure qui suit en est plus lourde, quand il n'y a plus rien à lire, quand j'ai déchiffré la date du timbre et retourné l'enveloppe, comme si j'espérais en voir tomber une fleur, une image. Je ne fais pas attention aux villes où nous jouons. Je les connais et ne me soucie pas de les reconnaître. Je m'accroche à Brague, qui reprend possession de ses patelins familiers, Reims, Nancy, Belfort, Besançon, en conquérant Débonnaire. T'as vu? La petite gargote est toujours au coin du quai. Je parais qu'ils me reconnaissent quand on ira ce soir bouffer la saucisse au vin blanc. Il respire largement, se jette dans les rues avec une joie de vagabond, et flâne aux boutiques et grimpe aux cathédrales. Je l'escorte, moi qui le précédais l'an passé. Il me traîne dans son ombre, et quelquefois nous remorquons aussi le vieux troglodyte qui d'habitude s'en va, seul et flanqué, minable, sous son veston mince et son pantalon trop court. Où couche-t-il? Où mange-t-il? Je l'ignore. Brague, questionné, m'a répondu brièvement. « Où il veut? Je suis pas sa bonne. » L'autre soir, à Nancy, j'ai aperçu le troglodyte dans sa loge. Debout, il mordait dans un pain d'une livre et tenait délicatement entre deux doigts une tranche de fromage de tête. Ce repas de pauvre et le vorace mouvement de ses mâchoires, j'en eus le cœur serré et j'allais trouver Brague. Brague, est-ce que le troglodyte a de quoi vivre en tournée? Il gagne bien 15 francs, n'est-ce pas? Pourquoi ne se nourrit-il pas mieux? « Il fait des économies, » répondit Brague. « Tout le monde fait des économies en tournée. Tout le monde n'est pas Vanderbilt ou René Néré pour se coller des chambres à 100 sous et des cafés au lait servis dans la tôle. Le troglodyte me doit son costume de scène que je lui ai avancé. Il me le paye 1 thune par jour. Dans 20 jours, il pourra bouffer des huîtres et se laver les pieds dans du cocktail s'il veut. Ça le regarde. » Ainsi tensé, je me suis tue. Et je fais des économies, moi aussi, par habitude d'abord, et puis pour imiter mes compagnons, pour n'exciter ni leur jalousie, ni leur mépris. Est-ce l'amie de Max, cette dîneuse que reflète la glace enfumée d'une brasserie lorraine, cette voyageuse aux yeux cernés, un grand voile noué sous le menton, et tout entière du chapeau aux bottines, couleur de route, avec l'air indifférent, calme et insociable de ceux qui ne sont ni d'ici ni d'ailleurs? Est-ce l'amante de Max, la claire amante qui l'étreignait, demi-nue, dans un kimono rose, cette comédienne fatiguée qui s'en vient, en corset et en jupon, chercher dans la malle de Brague la chemise, le linge du lendemain, et ranger ses frusques pailletés? Chaque jour, j'attends la lettre de mon amie. Chaque jour, elle me console et me déçoit tout ensemble. Il écrit simplement, mais, cela se devine, sans facilité. Sa belle écriture fleurie retarde l'élan de sa main. Et puis, sa tendresse le gêne, et sa tristesse, il s'en plaint avec ingénuité. Quand je t'aurais dit 100 fois que je t'aime et que je t'en veux terriblement de m'avoir quitté, que te dirais-je? Ma femme chérie, mon petit bas bleu de femme, vous allez vous moquer de moi, mais ça m'est bien égal. Mon frère va partir pour les Ardennes et je l'accompagne. Écris-moi aux Salles-Neuves, chez maman. Je m'en vais toucher de l'argent pour nous, pour notre ménage, petite aimée. » Il me raconte ainsi ses faits et gestes, sans commentaires, sans guirlandes. Il m'associe à sa vie et m'appelle sa femme. Sa chaude sollicitude m'arrive, il s'en doute, toute refroidie sur ce papier, traduite en écriture bien équilibrée. Si loin, de quel secours nous sont les mots? Il faudrait, je ne sais, il faudrait quelques fougueux dessins tout embrasés de couleurs. 11 avril. Ça, c'est le comble. Vous vous faites tirer les cartes par Blandine maintenant? Mon chéri, vous êtes perdu. Cette fille a coutume de prophétiser dès que je quitte la maison les catastrophes les plus pittoresques. Si je pars en tournée, elle rêve chat et serpent, eau trouble, linge plié, et lit dans les cartes les aventures tragiques de René Néré, la dame de trèfle, avec le jeune homme faux, le militaire et l'homme de la campagne. Ne l'écoutez pas, Max. Comptez les jours, comme je fais, et souriez. Oh, ce sourire qui froisse imperceptiblement vos narines, à penser que la première semaine est presque finie. Dans un mois et 4 jours, je vous prédis, moi, que je ferai route pour rejoindre l'homme de tout cœur, et que grande joie vous en aurez, et que le jeune homme faux en sera piqué, ainsi que la mystérieuse femme de mauvaise vie, j'ai nommé la dame de carreau. Nous voici pour 5 jours à Lyon. C'est le repos, dites-vous? Oui. Si par là, vous entendez que je pourrais, 4 matins de suite, me réveiller en sursaut, au jour levant, avec la peur folle de manquer mon train, puis retomber sur mon lit, dans une paresse dégoûtée que fuit le sommeil, et écouter longtemps s'éveiller autour de moi les servantes, les sonnettes, les voitures de la rue. C'est bien pis, mon chéri, que le départ quotidien à l'aube. Il me semble que, du fond de mon lit, j'assiste à une remise en branle dont je suis exclue, que le monde recommence à tourner sans moi. Et puis, c'est du fond de mon lit aussi que je vous regrette le plus, sans défense contre mes souvenirs, terrassés d'ennui et d'impuissance. Oh, cher ennemi, nous aurions pu passer ici ces 5 jours ensemble. Ne crois pas à un défi, je ne veux pas que tu viennes, et je n'en mourrai pas, que diable. Tu as toujours l'air de croire que je suis déjà morte de ton absence. Mon beau paysan, je n'en suis qu'endormi. J'hiverne. Il ne pleut pas. Il fait doux, mou, gris. Un très beau temps de Lyon. C'est un peu bête, ces informations météorologiques qui reviennent dans toutes mes lettres. Mais si vous saviez comment tourner, notre sort et notre humeur sont suspendus à la couleur du ciel. Temps mouillé, poche sèche. Dit Brague. Depuis 4 ans, j'ai passé 7 ou 8 semaines à Lyon, mon ami, et ma première visite fut pour les cerfs du parc Saint-Jean, pour les blonds petits fans au regard borné et tendre. Ils sont si nombreux, si pareils l'un à l'autre, que je ne peux pas en choisir un. Ils me suivent le long du grillage, d'un trottinement qui grêle le sol et mendie le pain noir par un bêlement clair, obstiné. Et timide. L'odeur du gazon, de la terre remuée, est si forte dans ce jardin, à la fin du jour, sous l'air immobile, qu'elle suffirait à me rendre à vous si j'essayais de m'échapper. Adieu, chérie. J'ai retrouvé à Lyon des errants de ma sorte, rencontrés ici et ailleurs. Quand je vous aurais dit que l'un se nomme Cavaillon, chanteur comique, et l'autre Amalia Barali, duègne de comédie, vous serez bien avancé. Barali est pourtant presque une amie, car nous avons joué ensemble une pièce en 3 actes tout autour de la France il y a 2 ans. C'est une ex-belle femme, brune et busquée, routière finie, et connaissant par leur nom les auberges du monde entier. Elle a chanté l'opérette à Saïgon, joué la comédie au Caire, et fait les belles nuits de je ne sais quelle Khedive. Je goûte en elle, outre sa gaieté qui résiste à la misère, cette humeur protectrice, cette adresse à soigner, cette maternité délicate dans le geste, apanage des femmes qui ont sincèrement et passionnément aimé les femmes. Elles en gardent un attrait indéfinissable et que vous ne percevez jamais, vous autres hommes. Mon Dieu, comme je vous écris, je passerai tout mon temps à vous écrire. J'y ai moins d'efforts, je crois, qu'à vous parler. Embrassez-moi. Il fait presque nuit. C'est la mauvaise heure. Embrassez-moi bien serré. Bien serré. Votre René. 15 avril. Mon chéri, que vous êtes gentil. Quelle bonne idée. Merci. Merci de tout mon cœur pour cet instantané mal lavé, jaune d'hyposulfite. Vous y êtes, mes chers, ravissants tous deux. Et voilà que je ne peux plus vous gronder d'avoir emmené, sans ma permission, Fossette aux salles neuves. Elle a l'air si contente dans vos bras. Elle a pris sa figure pour photographe, sa gueule de lutteur costaud, détenteur de la ceinture d'or. Il est clair, je le constate avec une gratitude un peu jalouse, qu'en cet instant, elle ne pensait pas du tout à moi. Mais à quoi rêvaient vos yeux que je ne vois pas, paternellement baissés sur Fossette? La gaucherie tendre de vos bras autour de cette petite chienne m'émeut et m'égaye. Je glisse ce portrait de vous avec les deux autres dans le vieux portefeuille de cuir, vous savez, auquel vous trouvez l'air mystérieux et méchant. Envoyez-moi encore d'autres photographies. Dites. J'en ai emporté 4, je les compare, je vous y examine avec une loupe pour retrouver sur chacune, malgré le léchage des retouches, les lumières travaillées, un peu de votre être secret. Secret? Ma foi, non. Rien en vous ne donne le change. Il me semble que n'importe quel petit toi vous connaîtrait, en un regard, aussi bien que moi. Je dis ça, vous savez, et je n'en pense pas un mot. Il y a sous ma taquinerie un vilain petit désir de vous simplifier, d'humilier en vous le vieil adversaire. C'est ainsi que j'appelle, depuis toujours, l'homme destiné à me posséder. C'est vrai qu'il y a tant d'anémones dans vos bois et de violettes? J'en ai vu des violettes du côté de Nancy, tandis que je traversais ce pays d'est ondulé, bleui de sapins, coupé de rivières vives et miroitantes, où l'eau est d'un noir vert. Était-ce vous, ce grand gars debout, jambes nues, dans l'eau glacée et pêchant la truite? Adieu. Nous partons demain pour Saint-Étienne. Amon ne m'écrit presque pas. Je m'en plains à vous. Tâchez de m'écrire beaucoup, cher souci, pour que je ne me plaigne pas à Amon. Je t'embrasse, René. Nous venons de dîner chez Berthoud, restaurant d'artistes. Barali, Cavaillon, Brague, moi et le troglodyte que j'avais invité. Celui-ci ne parle pas, il ne pense qu'à manger. Un dîner de cabot, bruyant, animé, d'une assez fausse gaieté. Cavaillon a payé une bouteille de moulin avant. « Faut-il que tu te barbes ici, goyait Brague, pour te fondre d'une négresse de choix ?»« Tu parles, » répondit brièvement Cavaillon. Cavaillon, jeune et déjà célèbre au music hall, y fait l'envie de tous. On dit de lui que Dranem le craint, qu'il gagne ce qu'il veut. Nous avons déjà croisé 2 ou 3 fois la route de ce long gars de 22 ans qui marche en homme serpent, comme désossé, et balance des poings si lourds au bout de poignets frêles. Sa figure est presque jolie, sous des cheveux blonds coupés en franges, mais son trouble regard mauve, errant, dit la neurasthénie aiguë, presque la démence. Son mot, c'est « je me crève ». Il attend toute la journée l'heure de son numéro, pendant lequel il oublie, s'amuse, redevient jeune et emballe le public. Il ne boit pas, il ne fait pas la noce, il place son argent et il s'ennuie. Barali, qui tire une saison au Célestin, s'est grisé de parler, de rire, en montrant ses belles dents, de raconter des bombes terribles de sa jeunesse. Elle nous dit ses théâtres coloniaux d'il y a 20 ans, quand elle chantait l'opérette à Saïgon, dans une salle éclairée par 800 lampes à pétrole. Sans le sou, déjà vieille, elle incarne une bohème démodée, incorrigible et sympathique. Un gentil dîner, tout de même. On se chauffe, on se serre un instant autour de la table trop petite, et puis, adieu, un adieu sans regret. C'est demain, c'est tout à l'heure qu'on s'oublie. On repart, enfin. 5 jours à Lyon sont interminables. Cavaillon nous accompagne au Cursal. C'est trop tôt pour lui, qui se grime en 10 minutes, mais il s'accroche à nous, rongé de solitude, redevenu muet et sombre. Le troglodyte, enchanté, un peu gris, chante aux étoiles, et moi, je rêve. J'écoute le vent noir qui se lève et remonte le quai du Rhône avec un ronflement marin. D'où vient que je me balance ce soir sur une houle invisible, comme un navire que renfle la mer? C'est un soir à voguer jusqu'à l'autre côté du monde. J'ai les joues froides, les oreilles glacées, le nez humide. Tout mon animal se sent dispo, solide, aventureux, jusqu'au seuil du Cursal où la tiédeur moisie du sous-sol suffoque mes poumons nettoyés. Mornes comme des bureaucrates, nous gagnons ces singulières loges d'artistes, à la fois greniers provinciaux et mansardes pour domestiques, tendues d'un papier pauvre, gris et blanc. Cavaillon, qui nous a semés dans l'escalier, est déjà dans sa loge où je l'aperçois, assis devant la tablette à maquillage, accoudé, la tête dans ses mains. Brague me dit que le comique passe ainsi ses lugubres soirées, prostré, muet. Je frissonne. Je voudrais chasser le souvenir de cet homme assis qui cache son visage. J'ai peur de lui ressembler, à lui, échoué et misérable, perdu au milieu de nous, conscient de sa solitude.